Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur le 895 de Dio si vous nous rejoignez en ce jeudi 16 janvier 2020, une année déjà bien entamée, bien ouverte et on retrouve avec grand plaisir pour cette nouvelle année, pour cette saison 2019-2020 qui se poursuit. Troisième jeudi du mois en ce 16 janvier, rendez-vous mensuel avec le Grémos autour de la mémoire ouvrière, l'histoire ouvrière, le Grémos, le groupe de recherche et d'études sur la mémoire du monde ouvrier stéphanois qui sévit sur cette antenne depuis plusieurs saisons maintenant et qui propose ce rendez-vous mensuel consacré aujourd'hui à une vaste question, mobilisation ouvrière. On reste bien entendu dans la pleine veine de cette émission, mais mobilisation ouvrière ou agitation communiste, c'est la question posée pour cette émission avec la grève générale de la métallurgie stéphanoise en 1924. Cela tombe plutôt bien d'aborder cette question alors que nous allons parler en effet de communisme avec bien entendu les rencontres d'histoire ouvrière qu'organise le Grémos de façon biennalisée désormais. C'est le cas en ce début d'année 2020 avec un grand rendez-vous attendu les 23 et 24 janvier prochains dans le cadre du centenaire du congrès de Tours, donc consacré à un siècle de communisme en France. Ça se passera aux archives départementales de la Loire. Nous avons déjà réalisé sur cette antenne une émission spéciale consacrée à ces rencontres d'histoire ouvrière qu'on aura l'occasion d'ici les 23 et 24 prochains de vous rappeler. Ceux qui nous en parlaient le mois dernier, c'est-à-dire à la fin d'année 2019 et au mois de décembre dernier, c'était précisément Jean-Michel Stenner et Antoine Vernet, tous deux historiens, membres actifs du Grémos et qui sont à nouveau avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette mobilisation ouvrière, agitation communiste. Bonjour à vous. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Bonjour à tous. Eh bien, mois de janvier, comme tu l'as dit, maintenant tous les deux ans, c'est le mois des rencontres du Grémos. Ah, c'est aussi le mois des rhumes, donc j'ai une voix un petit peu particulière, vous voudrez bien m'en excuser. Alors, puisque tu as parlé des rencontres, je ne vais pas y revenir trop longuement, juste dire qu'elles sont articulées en deux jours. Le 23, ce sera essentiellement autour du congrès de Tours et de l'implantation ouvrière du Parti communiste dans les syndicats et dans les quartiers ouvriers notamment. Et puis le lendemain, ce sera plutôt autour de l'action municipale avec des expériences, alors celle de Villeurbanne et surtout celle de Saint-Étienne autour de l'expérience de 77-83 et l'après-midi des questions qui seront posées sur l'engagement des intellectuels en direction du Parti communiste. Alors effectivement, en termes d'engagement, nous allons aujourd'hui, Antoine, parler d'un moment particulièrement important, on essayera de le faire comprendre aux auditeurs, c'est cette grève générale de la métallurgie stéphanoise en 1924. Donc l'interrogation, c'est le rôle de cette grève dans l'histoire ouvrière stéphanoise et puis dans la mémoire aussi. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, on en parle beaucoup quand on lit un petit peu les récits autour de cette histoire ouvrière, mais on en a rarement vu le détail, on en a rarement étudié, donc c'est un peu l'occasion aussi... un bon moment qu'on voulait en parler avec le Grémos sur les ondes de Dio. Donc on va s'interroger sur une grève exemplaire. Et juste pour introduire, on va partir de deux descriptions un peu radicalement différentes de la mémoire de cette grève. Alors d'abord, on va partir d'une plaquette publiée par l'UDCGT de la Loire en 1959, qui a la gloire du leader syndical Benoît Frachon, dans lequel il est écrit... En 1924, le syndicat unitaire des métallurgistes de Saint-Étienne organisait des réunions par quartier à la sortie des usines. Le mécontentement était grand parmi les travailleurs. Le cahier de revendications comportant en premier lieu l'augmentation des salaires est adopté et le principe de la grève est voté. L'usine Le Flève était en lutte. La grève totale de la métallurgie était effective le 11 mars 1924 grâce à l'intervention de Benoît Frachon qui demandait l'extension de la lutte. C'est ainsi que 20 000 métallurgistes firent grève pendant un mois. 40 militants furent arrêtés, dont Benoît Frachon, qui fut condamné à 4 mois de prison, ainsi que Marcel Thibault. Et entre parenthèses, il y a beaucoup d'autres qui sont oubliés dans la plaquette. Cette grève fut un modèle d'organisation et de combat et de solidarité. Pendant un mois que dura la grève, les grévistes et leurs familles reçurent des vivres. Aucun n'eut à souffrir de la faim. Donc là, on a vraiment une glorification de l'action d'une CGT et de ses militants communistes. Mais quand on lit un ouvrage un peu postérieur, qui a été rédigé par 4 militants de la CFDT en 1979, qui s'appelle « 150 ans de lutte ouvrière dans le bassin stéphanois », on a un témoignage qui s'appuie sur notamment celui de Jean Pralon, un ancien leader de la CFTC de la Loire. « Curieuse présence parmi les grévistes que celle de la CFTC, mais non moins curieuse est l'obstination de la CGTU, donc CGT unitaire, à cacher cette présence. Elle refuse la parole à un militant chrétien qui s'appelle Vidal. Elle refuse de recevoir une délégation de l'UDCFTC. Et 30 ans plus tard, Petrus Faure refuse encore d'en parler dans son histoire de la grève. Donc on a vraiment une trace très différente dans les deux principales centrales syndicales de l'après-Seconde Guerre mondiale, de cette grève de 24. Et donc, il faut, à mon avis, il faut un récit complet pour vraiment comprendre ce que les acteurs parfois tentent de mythifier à leur profit. Donc ça, c'est en fait deux témoignages qui sont, comme tu l'as dit, assez caractéristiques de la mémoire de ces organisations. Et l'objectif de notre émission d'aujourd'hui, c'est de passer un peu au crible cette mémoire avec les archives sur lesquelles tu as beaucoup travaillé. Alors, au départ, on va quand même essayer de brosser un peu le tableau de la période. 1924, c'est une décennie qui vient de s'écouler, qui a été particulièrement rude pour le monde ouvrier et rude pour les militants. Alors, avec la guerre, bien sûr, et tout ce qu'elle a pu impliquer, mobilisation des militants sur le front, mais aussi à l'arrière dans les usines, comme on l'avait étudié il y a quelque temps, avec ce qu'elle implique aussi en termes de conditions de vie et de conditions de logement. Elle a, cette guerre, provoqué, on l'a aussi étudié à plusieurs reprises, les divisions syndicales entre ce qu'on appelait les minoritaires de guerre et les majoritaires de guerre. Donc ça, c'était l'objet des rencontres de 2017. Et puis, elle a provoqué des divisions politiques. À l'issue de la guerre, on a deux mouvements sociaux importants, celui de 1919 et celui de 1920. Deux mouvements sociaux qui semblent portés par une très forte CGT qui a beaucoup recruté et qui vont s'achever par une véritable débâcle. Et puis, il y a eu, à la fin du 1919, des élections politiques, et les militants comptaient quand même sur ces élections, aux résultats plutôt contrastés, puisque c'est un échec aux élections législatives, avec un seul député socialiste pour la Loire, et par contre des victoires locales assez importantes, notamment avec la prise de la mairie de Saint-Étienne par une union de la gauche, comme on peut la qualifier a posteriori, dans laquelle les socialistes et les radicaux sont rassemblés et vont enlever la mairie à Jean Néret qui l'avait dirigée depuis une dizaine d'années. Or, tout ça, ça provoque quand même un certain déboussolement chez les militants et qui vont chercher un petit peu dans toutes les directions des solutions. Et une des solutions qui va venir, c'est se tourner vers l'Est et la Russie soviétique. Et ce contexte de la révolution de 1917, prolongé ensuite par la guerre civile de 1918 à 1921, eh bien c'est celui dans lequel s'inscrit d'une part la scission politique à l'intérieur du Parti Socialiste Unifié, qui va aboutir au congrès de Tours, qui sera l'objet donc de notre colloque, et la scission ensuite à l'intérieur de la CGT, fin 21 et début 22, entre donc une CGT maintenue, confédérée, et une CGT unitaire, auquel sont rattachés beaucoup les communistes. Il faut ajouter, pour aller jusqu'en 1924, que la section française de l'Internationale communiste, donc, qui s'appelle encore PSU-SFIC, hein, donc en 1923, connaît une nouvelle scission. Donc c'est le congrès de Rouen en janvier 1923, et cette scission va provoquer des tensions entre ceux qui étaient donc les créateurs de la fédération à l'intérieur de la Loire. Enfin, je crois qu'on peut souligner que 1924 montre aussi que, non pas pour la première fois, parce qu'on a déjà vu des mouvements un peu semblables en 1910 et 1911, mais en tout cas, c'est vraiment le moment où la métallurgie devient le secteur phare des luttes, et c'est, je pense, que tu vas essayer de nous montrer, Antoine. Oui, donc on a dans cette métallurgie le retour de deux formes d'action. On a le retour d'un côté de l'action syndicaliste corporatiste, hein, les revendications traditionnelles des métiers qui avaient lieu avant la Première Guerre mondiale, et on a toujours ces revendications beaucoup plus politiques, qui sont aussi liés donc à ces militants qui vont à la fois être des militants politiques et des militants syndicaux. Et c'est d'autant plus qu'on a une union départementale CGT unitaire de la Loire où on trouve les communistes et les syndicalistes révolutionnaires, qu'on appelait parfois aussi anarcho-syndicalisme, on ne va pas rentrer dans le débat sémantique. Et ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 1923, les communistes de plus en plus prennent le pas sur les anarchistes. Et on a le développement dans les entreprises de beaucoup de conseils d'usines, de cellules d'usines. Donc on a un côté un peu soviétique qui peut se développer. Donc dans la plupart des grandes usines de la région stéphanoise, on va avoir ces cellules d'entreprise. Mais quand on regarde après, les effectifs syndicaux sont beaucoup plus réduits, peut-être 200, 300 militants dans la Loire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1924, au début de l'année, on va avoir justement deux logiques qui vont s'affronter et qui vont s'interpénétrer. On a d'abord la volonté des syndicalistes communistes d'appliquer un agenda révolutionnaire et de mobiliser des mots d'ordre qui, eux, sont liés à l'atelier. Et par exemple, c'est la journée de 8 heures, une loi de 1919 qui avait été accordée par le gouvernement pour calmer un peu la situation, mais qui n'a jamais vraiment été appliquée, ou en tout cas pas dans les termes que les syndicats de travailleurs espéraient. Et de l'autre côté, donc, on a ces considérations traditionnelles de l'atelier. Et ça va justement susciter un peu une incompréhension du patronat stéphanois devant les différentes revendications qui vont être faites. Toujours l'impression, est-ce qu'on est avec la revendication traditionnelle des ouvrières corporatistes, ou est-ce qu'on est avec la menace rouge bolchevique derrière Moscoutère, comme c'est souvent dit dans les archives de l'époque. Et donc, en début 1924, en février, c'est surtout dans le cycle que quelques mouvements vont prendre. À Automoto, du 11 au 14 février, on a un conflit qui est exacerbé par la question des conditions d'existence. Et à nouveau, l'inflation, la vie chère qui devient un sujet de revendication. On a d'autres entreprises également où on a des petits épisodes de grève en 24. On a des heurts à la sortie des ouvriers chez Mélier et Denis, une usine de guidons en février. Des heurts qui sont rapportent aux conceptions différentes de l'action syndicale. Oui, c'est-à-dire qu'il y a c'est quelque chose de toujours aussi actuel. Ceux qui s'engagent et ceux qui veulent continuer à travailler. Donc les entrées et sorties d'usines sont toujours un peu conflictuelles. Et ça va de l'insulte jusque éventuellement au coup de poing, mais on va en reparler. Et donc, la question des 8 heures est vraiment instrumentalisée par les unitaires. Il y a une volonté justement de profiter du contexte électoral et des élections législatives prévues en mai 1924 pour mobiliser dans les usines et réussir justement à faire élire des députés favorables aux idées de gauche en général et surtout aux idées communistes. Et donc on a cette tension entre les logiques ouvrières, on va dire traditionnelles, et cette logique communiste. Et donc on a des militants unitaires dans les usines, et notamment à La Chelle et à Sierre. Et on a le 1er mars, grâce au récit à la fois des archives des ministères et du militant Petrus Faure, qui est originaire du Chambon-Feugerolles et qui va être une des grandes figures du communisme, puis de la dissidence à partir de 1929. Et qui est aussi l'historien, le premier historien oui. du syndicalisme et des ouvriers dans la Loire. Historien forcément partial. Oui. Donc on sait que la question des dérogations sur la journée de 8 heures, elle pose problème. Et il y a une relative aussi incompréhension de comment fonctionnent ces dérogations, comment elles sont accordées grâce à un accord entre les syndicats métallurgiques patronaux et l'inspecteur du travail du département de la Loire. Et donc le 1er mars, normalement la journée aux usines de La Chelle et à Sierre, donc c'est de la construction mécanique, il y a des forges, etc. C'est des ouvriers qui doivent travailler 9 heures par jour au lieu des 8 heures prévues dans la loi. Et donc il se trouve que le travail a été entamé. Et le 1er mars, Pardon, je reprends. Le 1er mars, il y a une réunion à la Bourse du Travail et donc les ouvriers de la Chalet Acière veulent protester contre cette imposition d'une heure supplémentaire qui n'est pas payée avec une majoration. Donc voilà, on a un contexte de vie chère qui explique justement que cette heure supplémentaire, elle passe mal. Et donc on est le samedi 1er mars, ils se disent on va refuser de travailler. Et le lundi 3, à la fonderie, à la Chalet Acière, chez Le Fleuve, deux ouvriers refusent de travailler cette neuvième heure qui est prévue par l'entreprise. Et donc, ils abandonnent la coulée de fonte qui était en cours, ce qui est un problème parce que justement, ça gâche la matière, ça gâche le travail. Et du coup, quand les ouvriers quittent le chantier, c'est les contremaîtres qui sont obligés de terminer la coulée. Et le lendemain, le mardi 4 au matin, les deux ouvriers qui avaient dit qu'ils ne voulaient pas faire cette coulée, eh ben, on leur refuse l'entrée, tout simplement. Et du coup, l'inspecteur du travail dit oui, mais l'entreprise a le droit, effectivement, de faire cette heure supplémentaire. Et les ouvriers de la fonderie commencent à se mettre en grève. Et donc, la direction refuse de discuter. Joseph Le Fleuve n'est pas quelqu'un qui aime transiger avec la logique industrielle. Et lorsqu'elle refuse la discussion au fondeur, la direction sait très bien que le mouvement risque de durer un petit peu. Oui, alors... On va faire une première... Oui, peut-être quand même, avant de faire la pause, rappeler qu'il y a un patronat de choc qui s'est installé dans la direction de la branche du cycle. Et il y a quelque part un conflit qui est presque prévisible entre les mouscoutaires, comme tu les appelles, les unitaires qui cherchent un terrain de conflit, et les patrons. Comme s'il y avait une espèce de piège dans lequel chacun se précipitait. Oui, on a le cycle stéphanois, c'est un petit patronat qui est assez peu au fait de ce qui se passe à Paris dans les négociations entre le patronat métallurgique et le gouvernement. Et donc c'est un petit patronat qui, c'est la liberté du travail, c'est le fait qu'il faut ne dépendre que de soi-même. Donc, et en 1923, ils élisent un leader syndical qui va remplacer Étienne Mimard. Et ce leader syndical, qui est relativement jeune, s'appelle Jean-Frédéric Boudet. Et il est décrit par le géographe André Vent comme vraiment l'archétype du patron de combat qui va dénier toute possibilité au syndicat de négocier les salaires. Et on a une volonté dans le cycle, justement, d'un contrôle des ouvriers, empêcher que les débauchages de main-d'œuvre se fassent. Donc il y a une volonté vraiment d'organiser la profession, mais qui se heurte aux intérêts parfois des petites entreprises. Mais Boudet va vraiment mener un combat pour réussir justement à organiser la profession de telle manière que tout ce qui ressemble à une revendication un peu trop rouge est inacceptable dans l'intérêt des affaires du cycle stéphanois. Des rouges, des communistes, il y en a dans le quartier. Oh mes amis, c'est incroyable. Pourtant, c'est vrai, c'est insensé, c'est fou, c'est inimaginable, mais quand même, c'est la vérité. Ah, je ne vous raconte pas d'histoire, mais je vous en prie, faut vous méfier. Je l'ai vu de mes yeux, vous pouvez me croire. Il y a des communistes dans le quartier. Ils ont partout des sentinelles, ça c'est pour eux comme un besoin. Un peu plus, on marcherait sur elles, mais j'ai le nez creux, je les sens de loin. Et que voulez-vous que la police fasse? Elles ont presque tous leurs papiers. Elles disent rien. Elles ne bougent pas de place. Et il y a des communistes dans le quartier. Ils ont des femmes à leur service. Sur le trottoir, je les vois se promener. Et elles me font de l'œil en coulisses. L'œil de Moscou, pour m'entraîner. Avec leurs petits airs de colombe, si jamais vous les écoutiez, ces femmes-là vous feraient faire la bombe. Il y a des communistes dans le quartier. Anthropophage, tous ces sales types, j'en ai vu un manger sans remords, un pied truffé, une portion de tripe, et comme dessert, la tête de mort. Ce cochon-là, sans que ça vous épate, savez-vous ce qu'il voulait bouffer? Au restaurant, un diplomate, il y a des communistes dans le quartier. La nuit, surtout, faut qu'on se méfie. Hier, sur un banc, j'en ai vu deux. Bien camouflé, je vous le certifie, qu'on aurait dit deux amoureux. Elle disait, oh j'ai peur, je tremble. Lui répondait, il n'y a pas de danger, viens donc, on va mourir ensemble. Oh, il y a des communistes dans le quartier. Ça ne vous fait rien, vous n'avez pas honte. Vous m'écoutez là, sans bouger. N'oubliez pas ce que je vous raconte. Je vous le répète, il y a du danger. Vous ne bronchez pas, c'est votre affaire. Mais je n'attendrai pas que vous partiez. Débrouillez-vous, je me fais la paire. Il y a des communistes dans le quartier. Voilà, agitation communiste. Il y a des communistes dans le quartier. Luard, Antoine, sélection faite d'une anthologie de la chanson française. Oui, donc une chanson du début des années 20. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup plus d'informations. Sur mais, ce titre. Mais en tout cas, voilà, quelque chose qui rappelle aussi qu'en France, alors c'était déjà le cas avant même la Première Guerre mondiale, mais il y a toujours une méfiance de l'étranger quand il est sur place, que ce soit un ouvrier allemand, un militant allemand. Ouais. Voilà. Cette peur de Moscou qui très vite s'impose à partir de 1917 et qui est toujours omniprésente dans les esprits dans ces années 20. Ouais, c'est un texte qui évoque bien la fameuse image du communiste couteau entre les dents. Ah, tout à fait, de cette période en plus. On est dans le cliché. Voilà. À couteau tiré toujours, Jean-Michel et Antoine, vous évoquez la grève générale de la métallurgie stéphanoise en 1924, mobilisation ouvrière ou agitation communiste. Alors Antoine, la grève, elle démarre en fait aux usines de la Chalaissière. Oui. Le 5 au matin, la moitié des 240 ouvriers, fondeurs et mouleurs, donc des ouvriers très spécialisés, a cessé le travail. Et c'est Petrus Faure qui est élu secrétaire du comité de grève. Ce qui est d'autant plus étonnant que on a, dans une usine qui fait quasiment 2000 ouvriers, on a un militant communiste qui a déjà été embauché. C'était déjà suffisamment remarquable. Et Petrus Faure, dont on ne dit pas mot dans la brochure CGT de 1959. Bon, mais ça c'est un autre problème. Oui, c'est une autre histoire. Alors les délégués communistes, il faut le dire, ont lancé le mouvement contre l'avis du syndicat unitaire qui est encore aux mains des anarcho-syndicalistes. Dans les métaux. Dans les métaux, voilà. Et le syndicat CFTC, par contre, qui ne compte que 30 membres, lui, soutient le mouvement lancé par les communistes. Ce qui est d'autant plus étonnant que Joseph Lefleuve, le gérant des usines, est un catholique affirmé. Voilà. On y reviendra un peu plus tard. Et ça va provoquer des tensions entre lui et le syndicat CFTC. Le comité de grève, 14 membres, se plaint de la présence de la police. Et il se plaint à qui ? À la municipalité. Pourquoi ? Parce que c'est une municipalité de gauche, voire en tout cas un tiers des députés, des conseillers municipaux sont des députés d'extrême gauche. Oui, mais conseiller d'extrême gauche. Et donc, on a Louis Soulier, mais ça, tu pourras le développer. Alors, mieux que moi. On peut parler de Louis Soulier, parce qu'effectivement, c'est un homme qui est élu en 1919, dans cette majorité à l'époque radicale et socialiste, qui va devenir une majorité radicale et communiste, sans que ce n'était pas prévu au départ. Hein. Mais Soulier, c'est quand même un homme qui défend ce qu'il appelle lui-même la République sociale. Alors, on peut y mettre beaucoup de choses derrière, mais c'est quelqu'un qui est très attaché à l'union des gauches et qui va le confirmer par la suite de sa carrière. Alors, Louis Soulier, donc, en tant que maire et responsable de l'ordre, dans la commune, et donc donne un certain nombre de consignes aux commissaires qui entravent un petit peu l'action de la police. Mais elle est quand même présente, la police. Elle est présente, mais ce qui est sûr, c'est que Louis Soulier ne va jamais appeler le commissaire central de police de Saint-Étienne à taper sur les manifestants. Voilà. On va le dire clairement, ça sera toujours une position neutre, en fait, favorable donc au mouvement de grève. Alors du coup, finalement, la tension monte à l'intérieur de la ville, entre ouvriers, grévistes, non-grévistes, entre ouvriers métallurgistes et non-métallurgistes. Est-ce qu'on peut aller jusque-là ? Est-ce qu'il y a des... On voit peu les autres corps de les métier. Les mineurs, on ne les voit pas, par exemple. Non, pas dans cette grève-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les militants les plus acharnés, les plus enragés, pour reprendre là aussi un cliché, vont inciter, alors ça c'est une expression qu'ils utilisent eux-mêmes, à la chasse aux jaunes, à la chasse aux renards. Oui, c'est ça. Donc vraiment de mettre la pression sur les non-grévistes pour qu'ils se solidarisent au mouvement. Ça va être une logique tout au long de la grève et ça va être aussi pour ça que la neutralité de la municipalité et le peu d'action au départ des services municipaux de police va rapidement poser un problème dans le maintien de l'ordre pour le gouvernement et pour la préfecture. On peut rappeler d'ailleurs qu'en 1920, toute la municipalité, Louis Soulier et Durafour en tête, avaient pris la tête d'une grande manifestation déjà. Donc c'est quand même une municipalité qui s'engage aux côtés des syndicats. Alors la grève générale est votée le soir. Alors, du 5 mars, oui. En présence de Dieu, en personne. Albert Dieu. Et Benoît Frachon, le maire, donc c'est le syndicat unitaire des métaux de Saint-Étienne, qui est aux mains des communistes déjà. Voilà. On peut dire ça comme ça. Même si on a d'autres, oui, d'autres militants pas tout seul. Dedans. Mais... Donc ce qui est... à partir du 5, donc le mouvement est vraiment lancé. Dès le 6, le jeudi 6 au matin, donc, les grévistes viennent tenter de débaucher la main-d'œuvre lorsqu'elles entrent dans les usines de la Chalassière. Si bien qu'à la rentrée de 14h, on a déjà plus de 1500 ouvriers sur les presque 1900 de l'usine qui se mettent en chômage. Donc, ce qui est forte proportion. On a vraiment une efficacité dès le départ du mouvement. Le vendredi 7 après-midi, à l'issue de la réunion quotidienne qui est organisée pendant la grève à la Bourse du Travail, il y a une marche des personnes présentes à la réunion jusqu'aux usines. Donc il faut quand même traverser une bonne partie de la ville pour aller jusqu'à la Chalassière depuis la Bourse. Et dès ce moment-là, il y a des soupes communistes qui sont organisées, notamment afin de soutenir le personnel étranger des usines de la Chalassière. Donc là aussi, une solidarité qui se met en place pour entretenir la dynamique du mouvement. Et là, donc, on a une situation qui est en train de s'étendre avec l'ensemble du secteur à l'échelle de Saint-Étienne, dans le but de faire pression sur le fleuve pour qu'il cède et qu'il donne satisfaction aux revendications. L'idée, c'est que les autres patrons stéphanois... vont faire pression sur lui. Sur le fleuve. Bon, ouais. C'est bien mal connaître le fleuve déjà. Mmh. En tout cas, le conflit est observé parce que, en même temps, en France, on a un comité confédéral national de la CGTU qui se tient. Donc, c'est vraiment un peu une répétition de ce qui pourrait arriver par la suite et ce qui va d'autant plus mobiliser le patronat, grand patronat comme le Fleuve, petit patronat comme Boudet et le Cycle, à ne rien céder. Et donc, c'est un mouvement qui va s'étendre à Saint-Étienne, oui. Mais qui ne va pas dépasser Saint-Étienne. Les unitaires n'ont pas de relais dans l'Ondaine et dans le Gier. Et on peut penser notamment à la grève de la métallurgie au Chambon au printemps 23, ouais. Qui s'est conclue par un échec retentissant. Et donc, on aura vraiment un mouvement uniquement stéphanois. Alors, quand même, ça touche les aciéries de Saint-François. Oui, on a la moitié du personnel, en gros, qui se met en grève le 7 mars. Les ateliers du Furan. Le 10 mars, on a quasiment les deux tiers de l'usine en grève. La société industrielle d'armement Mécanique Armes, donc qui est pratiquement l'ensemble, 250 ouvriers sur 300. Voilà, donc le Cycle et l'Arme sont vraiment touchés de manière très importante, et ce qui oblige d'ailleurs la plupart du temps à cesser l'activité. Alors le patronat, lui, pense que c'est une grève politique et il en fait une sorte de principe, il ne faut pas céder. Et donc ne pas, on fait pression, la chambre syndicale fait pression pour que les patrons, ne cèdent pas chacun de leur côté. Et en plus, ils sollicitent donc le préfet et le maire pour une protection policière des usines, parce que les défilés dont tu as parlé, là, journaliers, posent problème à la porte des usines. Et la grève est quand même votée le samedi 15. À la Bourse du Travail, donc au niveau vraiment de la ville entière. Voilà, par un meeting avec 2500 ouvriers présents. Et elle doit commencer donc le matin du 17. Alors avec les principales revendications, on va les rappeler quand même. Donc le respect intégral de la journée de 8 heures, l'augmentation des salaires à 6 francs par jour... La reconnaissance des comités d'usine. Donc là, on est vraiment dans les revendications de la CGTU traditionnelle en France à cette époque. Et puis, dans le cas particulier de la Chalassière, le renvoi du chef d'équipe qui a posé problème. Qui a renvoyé les deux ouvriers. Et la réintégration des ouvriers. Donc là, on est dans des revendications corporatistes plus classiques, mais qui sont toujours utiles parce qu'elles permettent de créer un élan de solidarité entre ouvriers. C'est ça. Mais donc. Et donc il y a également le fait qu'il n'y ait aucun renvoi, aucune sanction pour fait de grève. Voilà, c'est. Alors on est le 17 mars, 17 mars, et la grève va durer, on va peut-être pas la détailler jour par jour, mais jusqu'au 14 avril. Donc un mois de grève. Un mois de grève, donc vraiment un mouvement qui va réussir à paralyser à un moment l'activité économique de Saint-Étienne. Alors pour expliquer un peu comment ça va se passer, je reprends une description du patron du cycle Boudet dans un article qu'il écrit anonymement après la grève. Donc parfaitement organisé, renseigné, éclairé par des groupes cyclistes, des équipes de débaucheurs se présentaient dans les usines, intimant au patron l'ordre de cesser le travail, sous menace d'agression violente en cas de refus. La police ne faisait rien pour empêcher ces intrusions dans les ateliers. Donc là, on a vraiment la vision patronale la plus dure face à la manière dont les militants, les grévistes se mettent en action. Et donc, il y a une dénonciation aussi dans l'article du rôle des agents étrangers, oui. Des ouvriers allemands, espagnols. On peut même parler aussi, dans la grève, il y a un délégué des sujets algériens qui s'appelle Marouf, qui a un rôle important aussi. Donc c'est montrer que la mouvance communiste s'appuie sur la main-d'œuvre étrangère aussi, qui est souvent plus mal lotie en termes de conditions d'existence et de salaire que la main-d'œuvre française. Et donc, dès le lundi 17 mars, les services de police vont estimer qu'à peu près la moitié des métallurgistes stéphanois sont en grève, près de 8000 ouvriers sur les 15000, 16000 ouvriers de la ville. Et par contre, la question, c'est effectivement, tous ne chôment pas volontairement, tous ne sont pas forcément des grévistes volontaires, et notamment le patronat du cycle, alors sans preuve, mais estime que 95% de ces ouvriers seraient contraints par les militants les plus enragés. Donc, quelle est la réalité de la volonté de participer à ce mouvement de grève? Ça reste une question qui est toujours assez impossible à résoudre. Mais de leur côté, les communistes, afin de lutter contre cette critique, rappellent opportunément, ça c'est dans un article de l'Humanité, que la décision de grève générale est partie d'en bas, ce qui est vrai, que la base a précédé l'avant-garde communiste locale. Donc là, vraiment, on a toujours cette tension entre les différents registres de revendications. Et donc, à partir du 17 mars 24, la quasi-totalité des usines de la ville est arrêtée, ce qui va justement obliger les chambres syndicales patronales à réagir. Oui, alors là, il y a une réaction quand même qui est dure. Elle est dure, et en plus, elle est en partie pilotée depuis Paris. On a l'UIMM, l'Union des industries métallurgiques et minières, qui, là aussi, dans le contexte électoral, n'a pas du tout envie de voir un succès ouvrier et communiste à Saint-Étienne. Et donc, comme dans beaucoup d'autres épisodes de grève à Saint-Étienne, mais ailleurs, on peut penser aux grèves du Havre notamment, il y a une volonté justement de réussir à mobiliser et organiser un front commun patronal contre le mouvement de grève. Et donc, il y a une assemblée générale extraordinaire de la Chambre du Cycle le 18 mars au Majestic à Saint-Étienne, et où l'un des dirigeants de la métallurgie stéphanoise, s'appelle René Touchard, vient justement essayer d'organiser ce front commun d'un petit patronat qui, trop souvent, à son goût, cède parce que chaque entreprise préfère relancer son activité plutôt que de... Et donc céder quelques primes, voire augmentation de salaire, plutôt que de perdre des commandes, etc., etc. Et donc il y a vraiment l'idée qu'il faut ce front commun. Il y a une permanence de Boudet qui est organisée tous les jours justement pour réussir à répondre aux interrogations du patronat du cycle. Et Boudet annonce de très sévères sanctions si jamais certains patrons cédaient et négociaient de leur côté et cédaient aux revendications, notamment sur l'augmentation des salaires. C'est intéressant parce qu'on voit un parallèle entre la dureté des actions de la CGT et la dureté des actions du patronat. La structuration syndicale du patronat, elle se fait sur le modèle de la CGT. Ouais, c'est devant les succès de la CGT, par exemple au Creusot 1899-1900, ils se disent « Ah, quand ils s'organisent, quand ils ont un front commun, les ouvriers arrivent à nous mettre en difficulté, donc il faut qu'on fasse pareil, qu'on utilise les mêmes méthodes. » Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que le syndicalisme patronal est à l'image du syndicalisme ouvrier français. Et c'est toujours un peu vrai aujourd'hui. Et donc, voilà, on a ce front commun, et dans le cycle surtout, il y a la décision de fermer les ateliers plutôt que de laisser les tentatives de débauchage se faire. On fait ce qu'on appelle un lock-out, on ferme les portes et on dit on rouvrira tel jour, et les ouvriers qui ne se présentent pas à la reprise du travail tel jour seront considérés comme démissionnaires, et pour être réintégrés, il faudra qu'ils fassent une lettre d'excuse, en gros, qui se... voilà, quelque chose d'assez humiliant. Donc voilà, c'est vraiment une manière aussi de se débarrasser des meneurs et des grévistes un peu trop affirmée donc par cette méthode du lockout. Jeudi 20 mars, on a quasiment 12 000 ouvriers qui chôment et la municipalité de Louis-Soulier organise le ravitaillement des restaurants populaires qui permettent aux grévistes donc de ne pas trop souffrir de la perte de revenus. Il faut rappeler que les ouvriers à l'époque sont payés à la quinzaine. Et on a une situation qui est explosive et l'humanité va décrire les incidents. Par exemple, est-ce que c'est vraiment véritable ou pas? J'ai pas trouvé un pontonnier de chez Leflève qui aurait sorti un revolver pour pouvoir rentrer ou sortir de l'usine. Ouais. Et qui a été molesté par ses camarades qui ont repris l'arme de ses mains. Et puis il y a des incidents, par exemple devant l'usine Rava, dans le quartier Montieu. Là, il y a un rapport du commissaire de police qui est intéressant parce qu'il montre effectivement l'état de tension. Un cortège de près de 1200 ouvriers vient de faire pression lors de la sortie des ateliers à midi. Encadré par la cavalerie et la gendarmerie, cette sortie se fait sous les sifflets. Des coups de poing sont échangés un peu plus loin sur le trajet vers le centre. Et le commissaire relève le vol d'une bicyclette. Des pierres sont jetées près des fenêtres des ateliers de l'usine. Donc vraiment, on sent la pression qui monte. Il y a eu d'autres entrées tonitruantes. On est le mardi 25, par exemple, dans la société de construction mécanique Rivoire, Marx et Giderol. Et Petrus Faure mène le cortège et essaie d'arrêter le travail. Et donc, qui sera repoussé plus ou moins efficacement par les dirigeants de l'entreprise. On a pas mal d'affrontements entre les grévistes et la gendarmerie à cheval, puisque la gendarmerie, elle, a d'autres consignes pour faire maintenir l'ordre. Et le mercredi 26, devant Cour Foriel, devant chez Mimard, de la même manière, on a des affrontements violents entre ces grévistes qui viennent débaucher à la sortie de l'usine et la gendarmerie à cheval. Et donc, dans toute la ville, on a ce qu'on appelle, encore une fois, la chasse aux renards qui se met en place. Donc, on est vraiment dans la tension la plus grande à ce moment-là. On peut rappeler quand même que, contrairement à la police qui dépend du maire, la gendarmerie dépend du ministre des Armées. Oui, voilà. Donc, on a vraiment deux... pas les mêmes consignes. Deux logiques différentes à l'œuvre. Et donc, on a vraiment une dénonciation, en plus, de la politique patronale, à ce moment-là, qui n'est pas simplement le fait des syndicats, mais qui va prendre une tournure politique. Oui, une tournure politique qui a un écho à la Chambre, c'est ça? Oui. Puisque, donc, il y a des attaques qui ont lieu en avril, début du mois d'avril, le député de Firmini, qui est le seul député socialiste unifié, mais qui sont devenus des socialistes unifiés, section française de l'International communiste, qui fait donc une intervention à la séance pour protester contre la situation créée par la répression. Mais c'est surtout, ça peut être étonnant, l'attaque du ministre par Antoine Durafour, ancien ministre, mais député. Pas encore ministre. C'est avec le cartel des gauches, juste après. Oui, juste après, effectivement. Mais, très ambitieux. C'est lui qui a fait voter la loi de 1919 sur les 8 heures. Donc il se sent un petit peu concerné quand même par cette affaire. Et surtout, il se sent concerné parce qu'il défend les armuriers, notamment les petits artisans du quartier Chavanel-Tréfilerie. Et il s'en prend à Leflève en n'hésitant pas à évoquer la question des bénéfices de guerre qu'il a pu récolter pendant le conflit. En tout cas, tous les deux dénoncent l'attitude du gouvernement, présidé par Poincaré, et du président, qui est un ancien socialiste aussi, qui s'appelle Mirand. Donc on a vraiment ce mélange des genres entre les revendications ouvrières, le contexte politique... Voilà, quelque chose de très compliqué. Mais en tout cas, on est encore dans un contexte de grève générale. Et on va faire une deuxième pause musicale. Thank you. grands soldats, on vous commande un crime, nous vous tendons les bras. Victoire au lieu de mort, le peuple en pleine chair, sourd au bourreau de l'ordre, ils ont mis la crosse en l'air. Devant nous, plus d'obstacles, l'armée a fait son choix. Voilà, une version réactualisée d'un texte qui date pourtant de fin 19e. Oui, de Jacques Turbin, La Grève Générale, donc une musique plus actuelle et un texte qui peut toujours avoir des échos aussi. Ça, je laisse les auditeurs se faire leur opinion. On repart sur la grève, on est au pinacle, on est au zénith finalement de la mobilisation. Et donc le patronat, face à la position très conciliante de Louis Soulier vis-à-vis des grévistes, ne refuse toute proposition d'arbitrage, et au contraire c'est le ministère de l'Intérieur et le préfet de la Loire qui décident qu'il est temps d'arrêter les frais d'une certaine manière. Et donc le préfet interdit les manifestations, on doit être le 25 mars, on a le déploiement de la troupe à cheval également qui s'est fait dans la ville. Et arrestation de Marcel Thibault le 24. Le 24. Mmh. Alors on est donc... Pour entrave à la liberté du travail, c'est, le délit qui lui est reproché. Thibault est militant des jeunesses communistes à l'époque. Il distribue beaucoup de tracts, les JC à ce moment-là. On a en plus un moment où les informateurs sont très nombreux dans les couloirs de la Bourse du Travail. Donc vraiment, il y a une volonté de noyauter un peu le mouvement. L'arrestation de Thibault provoque une manifestation le lendemain. Et le comité central de grève avec Henri Lorduron, secrétaire de l'Union départementale de la CGTU, avec d'autres militants, Dieu, Maistre, le secrétaire de la Bourse du Travail, va auprès du procureur de la République et du préfet pour obtenir la libération de Thibault, mais rien n'y fait. Voilà, on est dans le moment... Arrête Dieu quand même. C'est... Oui, on va vite arrêter Dieu, effectivement. Donc la répression commence, et donc le préfet Sekaldi a déclaré l'état de siège. On a un grand meeting qui est organisé le 29 mars au Jardin des Plantes, avec des discours de Frachon, de Dieu, de Maistre, et qui est un meeting qui est encadré par la gendarmerie étroitement. Et pourquoi au Jardin des Plantes et pourquoi pas à la Bourse du Travail ? Pour accueillir plus de monde, j'imagine. Ouais, ouais. Et donc, les entraves à la liberté du travail qui avaient eu lieu lors des manifestations du 25 et du 26, elles sont encore utilisées pour justifier l'arrestation de Pétrus Faure, d'Albert Dieu et d'Henri Lorduron les 1er et 2 avril. Et même une perquisition à la Bourse du Travail le 4 avril. Et pourtant, on a une réunion publique ce jour-là à la Bourse pour protester contre les arrestations. Mais il y a même un appel aux autres corporations stéphanoises à venir apporter au moins leur participation financière au mouvement. Mais mine de rien, on a quelque chose qui a changé. Il y a une dynamique qui a changé. Les patrons ont décidé de rouvrir leurs ateliers le 4 avril. Et on a des incidents devant chez Mimard, cours Foriel. On a une charge des grévistes par les dragons à cheval. Mais on a une reprise du travail qui va commencer dès le 5 avril. Il y a 30% des ouvriers chômeurs qui sont revenus, 50% le lundi 7, plus de 60% le jeudi 10. Donc là, voilà, on a une décrue du nombre de grévistes. Et la situation, elle s'annonce assez rapidement perdue. Benoît Frachon, qui est au comité de grève du syndicat des métaux, constate qu'il devient impossible en fait de prolonger la grève, notamment dans la grosse métallurgie, et il déclare même « Maintenant, à nos patrons, nous disons, ne vous hâtez pas trop de triompher. Nous vous avons dit depuis quelques jours que notre vengeance serait implacable. Elle le sera, nous vous le jurons, demain à l'usine. » Et en fait, on a à la Bourse du Travail la réunion le samedi 12 avril qui va consacrer finalement cette défaite amère. Et ensuite, il y a donc la répression judiciaire par le tribunal correctionnel qui va condamner, par exemple, Marcel Thibault à 4 mois de prison et 100 francs d'amende pour entrave à la liberté du travail. Albert Dieu et Petrus Faure, condamnés aux mêmes peines le 15 avril. Frachon, le 11 avril, condamné à 4-6 mois de prison. Par contre, Henri Lorduron, lui, est acquitté. Ce qui va avoir quelques conséquences. Un certain nombre de conséquences dans le syndicat CGTU. Donc on a une répression judiciaire, mais on a aussi une répression par les licenciements de nombreux grévistes dans les usines stéphanoises. Donc le 14 avril, le lundi 14 avril le matin, la grève est terminée. Donc c'est un peu l'heure du bilan finalement. Alors les répercussions sont importantes. Il y a notamment un article de l'Humanité, sans doute signé par des correspondants du syndicat CGTU des métaux de Saint-Étienne, qui attribue d'abord la défaite au manque d'organisation des métallurgistes et aussi au front uni du patronat, puisque le quotidien communiste écrit « Le patronat de la métallurgie sentait bien que de la grève stéphanoise dépendait le sort des métallurgistes de toute la France. » En face de l'Humanité. Voilà. Et le comité des forges n'hésita pas à envoyer sur place pour agir avec plein pouvoir un délégué spécial destiné à aider le sinistre Le Fleuve. La répression, c'est aussi la dénonciation pour l'Humanité d'une justice aux mains du pouvoir et surtout des comités des forges. De lui-même, bon, il y a toujours une confusion qui est faite. Et donc, il y a un enjeu national. J'aimerais bien que tu nous parles de cet enjeu national, aussi bien pour le syndicat que pour le patronat. Alors pour localement d'abord, on va peut-être dire quelques mots localement. La grève a des répercussions quelques mois plus tard avec le 28 décembre l'expulsion de la direction des syndicalistes révolutionnaires de l'UDCGTU. Et qui sont remplacés par ceux dont on parle dans la fameuse brochure 1959 de la CGT, c'est-à-dire les militants emblématiques que vont devenir Frachon et Thibault. Donc Frachon devient le secrétaire de l'UD à la place d'Henri Lorduron, qui était de la mouvance anarchiste, libertaire. Marcel Thibault va prendre un rôle de plus en plus important aussi au syndicat des métaux. Donc c'est vraiment une nouvelle génération qui prend la place et la CGTU devient vraiment communiste à la fin de l'année 24 dans la Loire. Voilà. Et donc Lorduron, en plus, on lui reproche comme s'il était responsable... l'acquittement qui a traduit la fin de son... Alors que de l'autre côté, Frachon, Petrus Faure apparaissent comme des martyrs de la cause. Et jusqu'en 1959, dans la brochure que tu as citée dans l'introduction. Mais 24, finalement, ça aurait dû être un succès pour la CGTU, mais c'est une forme d'échec, parce que les effectifs ne vont faire que décroître, et cette exclusion des syndicalistes révolutionnaires de la tête de l'UD va entraîner aussi de nombreux syndicats qui vont quitter les unitaires. Et ils vont se rapprocher un peu plus de la CGT confédérée, de la Bourse du Travail, où les syndicalistes révolutionnaires vont trouver un refuge, finalement. Et voilà, c'est une scission dans la scission syndicale qui, au moins jusqu'en 1928-29, ne va pas donner une grande dynamique aux unitaires dans la Loire. Voilà, les échecs, finalement, ne sont pas un bon terreau pour... Mais elle donne quand même l'image d'un syndicat combatif qui en veut et ça va ressurgir lors d'autres conflits, notamment en 1936. Oui, c'est effectivement pour plus tard des germes intéressants. Alors l'autre conséquence, c'est bien sûr sur la CFTC. Alors la CFTC, on n'en a pas reparlé parce que les archives, souvent, notamment policières, ne s'inquiètent pas beaucoup de l'activisme de la CFTC. Mais en tout cas... Ça consacre le fait que la CFTC dans la Loire n'est pas si favorable que ça à la collaboration de classe avec le patronat. Mmh. Le mouvement incarné notamment par Jean Pralon, c'est un peu des catholiques de gauche et la tendance du Sillon. Il y avait même dans la CFTC à cette époque de la Loire la volonté d'une déconfessionnalisation, quelque chose de complètement anachronique, on aura l'impression. Mais en tout cas, ils vont tenter longtemps de jouer les médiateurs entre... la municipalité, les ministères et les entrepreneurs, notamment Le Fleuve. Mais ça va être un échec relatif. Et comme on le faisait remarquer en introduction, le syndicat chrétien des métaux de Saint-Étienne, tout en essayant de jouer les médiateurs, tout en participant activement au mouvement de grève, finalement, va être aussi un peu décapité. Et ces militants à la Chalassière vont être licenciés de manière peut-être encore plus cruelle que les militants unitaires comme Petrus Faure. Ouais. Voilà, le fleuve n'a pas supporté que l'idée qu'il fallait une forme de trahison, effectivement. D'autant plus que le cardinal Louis Morin, l'archevêque de Lyon, va publier une lettre pastorale qui reconnaît aux ouvriers le droit de s'associer et qui, en gros, explique à Le Fleuve qu'il ça serait plutôt juste qu'il traite avec ses ouvriers. Et ça va être quelque chose qui va aussi être très mal vécu par le patron de la Chalassière. D'autant plus que l'entreprise, à ce moment-là, elle est dans une situation financière désastreuse et que... Elle ne va pas survivre longtemps. Non, elle va, la société, l'usine va, les usines vont survivre, mais la société va faire faillite, va être mise en liquidation, va être un moment sous la menace d'une faillite, pardon. Et voilà, c'est une histoire industrielle, un déclin qui avait déjà été entamé, mais qui va être précipité. Et Le Fleuve en voudra beaucoup, notamment aux autres patrons stéphanois, en voudra beaucoup au maire Louis Soulier. Voilà, il y a beaucoup de ressentiment qui ressortira de cet épisode. Et pourtant, globalement, on peut dire que le patronat stéphanois sort renforcé de ce conflit. Oui, oui, il y a donc c'est une victoire pour le petit patronat du cycle et de l'arme qui a réussi justement à s'opposer aux revendications, à ne rien céder aux organisations ouvrières. Et c'est un moment qui va permettre de restructurer le patronat stéphanois. Ouais. L'arme et le cycle avaient fait une dissidence quelque temps vis-à-vis des autres organisations patronales de la métallurgie. Et là, sous l'égide de l'UIMM, il y a une reconstitution, c'est la troisième reconstitution de l'Association des syndicats métallurgiques patronaux de la Loire, la SMPL, qui est donc l'UIMM stéphanoise. Et donc l'idée aussi du patronat du cycle et du patronat métallurgique en général, c'est de beaucoup mieux réguler les ouvriers. Oui. Il y a un fichage qui est instauré. On disait tout à l'heure qu'il y avait une volonté de contrôler les conditions du débauchage entre usines, le fait qu'il y aurait des sanctions pour les employeurs qui embaucheraient des ouvriers qui étaient déjà en place, le fait qu'il ne fallait pas embaucher des ouvriers qui venaient de quitter sans l'accord de leur ancien employeur leur poste. Et afin de renforcer ce contrôle, l'idée, c'est véritablement de mettre en place un fichier. Donc les entreprises du cycle fournissent à la chambre syndicale du cycle leur liste d'ouvriers complète. C'est un fichier qui, au début de l'année 1925, va regrouper à peu près 12 000 noms. C'est quelque chose d'énorme, véritablement. Et donc le but aussi, c'est de ne pas recruter des gens qui sont en grève, qui ont été licenciés. Voilà, c'est une vraie liste noire qui est mise en place et qui, pendant un temps, va être mise en commun à l'ensemble de la métallurgie stéphanoise. Sauf que, là encore, certains patrons n'étant pas soucieux de respecter cette forme de contrôle patronal, voilà, il n'y a pas une discipline patronale qui est si forte qu'elle dure au-delà de certains épisodes de grève, et le patronat du cycle reprendra son fichier ouvrier à la fin des années 20. Donc c'est quand même une défaite ouvrière. Clairement. C'est une défaite syndicale. C'est une victoire patronale. Et peut-être on peut, pour terminer, parler du bilan politique. Puisqu'on est... Donc la grève se termine à la mi-avril. Il y a des élections législatives et elles vont se traduire... Alors, ce n'est pas que local, bien sûr, mais elles vont se traduire par une victoire de la gauche, une victoire de ce qu'on appelle le bloc des gauches, et la fin de l'expérience du bloc national qui était au pouvoir depuis 1919. D'autant plus que ces législatives, donc, qui ont lieu le 11 mai 24, elles sont organisées au scrutin proportionnel de liste, donc ce qui fait qu'il y a moins de spécificités locales, et c'est vraiment un scrutin départemental. Et qui voit, notamment pour la région stéphanoise, Antoine Durafour, radical socialiste, être réélu. On a également un des adjoints de Louis Soulier, Simon Reynaud, qui est républicain socialiste, qui est élu. Et on a également les communistes dissidents qui étaient déjà en place, qui sont à l'Union socialiste communiste, Ferdinand Faure et Ernest Lafont, qui donc restent à la Chambre des députés. Donc c'est vraiment... Ferdinand Faure est élu. Il n'a pas été élu en 19, mais il est élu. Il arrive à ce moment-là. Mais voilà, on a vraiment une forme de succès éclatant, au moins en apparence. Après, Qu'est-ce que ça joue au niveau de la municipalité de Saint-Étienne, puisque les municipales sont l'année suivante? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Les municipales, elles se passeront sans les communistes. Et donc, il faudra attendre 1935 pour que Louis Soulier reconstitue une alliance avec les communistes, et avec, dans laquelle d'ailleurs la SFIO tiendra une toute petite part. Donc ça veut dire qu'à la fois, donc, la tendance vraiment communiste, on pense à Jacques Le Griel, mais même les communistes dissidents n'ont plus leur place pendant 10 ans dans la gestion des affaires municipales à Saint-Étienne. Tout à fait. Donc c'est quand même... c'est une forme de défaite, d'une certaine manière, pour le mouvement de 1924. Bien sûr. À plus moyen terme, disons, c'est une défaite, effectivement. Mais il faudra attendre 1935 pour que on revoie une alliance entre la gauche et l'extrême gauche, le centre gauche. Entre-temps, il y aura eu l'expérience du Rafour en 1932, prolongée par Alfred Vernet, 32-35. À nouveau au niveau national, voilà. Les communistes acceptent de collaborer. Et c'est aussi le moment collaborer avec les autres où, partis de gauche. On peut dire les radicaux vont, par anticommunisme, par crainte de ces actions communistes, une partie des radicaux vont se détourner. Ça se voit au niveau national. Entre Daladier et Herriot, il y a une coupure qui va s'opérer à ce moment-là. Est-ce qu'on s'allie avec les communistes ou pas? Voilà, donc si jamais on a terminé pour cet exposé sur la grève de 24, si jamais vous voulez quelques informations en plus, on vous renvoie au livre de Daniel Colson sur anarcho-syndicalisme et communisme, également au livre d'André Vent sur le cycle qui raconte pas mal de choses de cette grève, et un article que moi-même j'ai commis sur la grève chez Le Fleuve dans les actes du colloque de 2017 du Grémos, paru en 2018, Le Monde ouvrier face à la Grande Guerre. Voilà. Et qui est toujours en vente dans les bonnes librairies. On peut renvoyer également, bien sûr, sur le site dédié gremos.l'autre.net pour avoir d'autres informations. D'autres informations, associées, en lien. Le programme plus précis des rencontres que nous organisons. Rappeler aussi qu'on a d'autres événements prévus. On a une projection à la Cinémathèque. Oui, on va prendre 2 minutes pour un petit agenda tout de même en clôture de ce programme. Antoine et Jean-Michel, rappelez en effet donc les rencontres d'histoire ouvrière que vous organisez les 23 et 24 janvier prochains dans le cadre du centenaire du congrès de Tours, les 6e rencontres que vous organisez. Un siècle de communisme en France et dans la Loire, du projet révolutionnaire à l'expérience démocratique, c'est l'intitulé exact de ces rencontres. Ça va donc se dérouler aux archives départementales de la Loire, 6 rue Barouin à Saint-Étienne, c'est le tram Chalet-Assière. Entrée libre. Entrée libre, bien sûr, dans la limite des places disponibles. Toutes les infos donc, sur le contenu programme de ces rencontres via le site que l'on évoquait à l'instant. Et puis, tout à fait en lien, en effet, et en résonance, la Cinémathèque de Saint-Étienne et le Grémosque que vous représentez, qui propose 2 films de séance à la Cinémathèque de Saint-Étienne, donc PCF et cinéma, avec un document intitulé « Histoire du Parti communiste français », un film de 1920... Film muet, mais il est court, mais intéressant. Et puis la vie est à nous. De Jean Renoir. Voilà, ça c'est 2 séances, 14h30, 19h30, mercredi 22 janvier prochain, donc juste avant les rencontres d'histoire ouvrière. Et puis, on a parlé de grève, alors c'est bien beau d'évoquer 1924, mais il y a bien sûr l'actualité. En 2020, la grève se poursuit, mobilisation toujours avec différents rendez-vous. On peut les rappeler rapidement, il y a eu bon nombre d'actions ce début de semaine, mardi, grève interprofessionnelle, c'était le cas également ce matin. En ce jeudi 16 janvier, retraite au flambeau, c'était aussi une action menée hier soir au départ du musée de la mine par Couriot et en redescente sur le centre-ville. Nous sommes donc à 41 ou 42 jours depuis le début de la mobilisation et le mouvement reste très très très en place, très présent, et on vient de recevoir un nouveau communiqué intersyndical qui rappelle que d'autres actions sont en perspective, convergence même interprofessionnelle sur tout le territoire. On a entendu les dockers qui se mobilisent, les raffineries également ce matin, action prévue encore semaine prochaine. Alors on va précisément tomber dans les dates de milieu et fin de semaine prochaine avec des actions fortes attendues les 22 et 23 janvier. C'est dans toutes les villes de France que sont organisées ou prévues d'organiser ou proposer des retraites au flambeau ou autre initiative, notamment le jeudi 23 au soir, et puis est appelé effectivement à faire du vendredi 24 janvier, date du Conseil des ministres qui devrait examiner le projet de loi, une journée massive de grève et de manifestations interprofessionnelles. J'espère que cela n'impactera pas trop les rencontres d'histoire ouvrière prévues ici même. Toujours dans ce cadre-là, simplement rappeler un concert de soutien aux grévistes, aux cheminots, notamment, ça va se passer à l'ancienne gare, plutôt bienvenue pour accueillir cette manifestation, ancienne gare du Clapier. En effet, c'est une fête de soutien organisée par le collectif des intermittents et précaires 42 dès 15h dimanche après-midi, ce 19 janvier, avec dans un premier temps, dès 15h, projection d'images de grève, récolte de témoignages, prise de parole, avant de laisser place à une série de concerts prévus, et bon nombre d'artistes locaux stéphanois se mobilisent et seront présents pour assurer cette caisse de solidarité, puisque la recette donc sera entièrement reversée aux caisses de grève des cheminots. Voilà, c'est ce dimanche 19 janvier à partir de 15h. Le Clapier étant situé, on le rappelle, 2 boulevard Pierre Manœuvre France à Saint-Étienne, et l'entrée bien sûr y est libre, mais le soutien est très bienvenu. On a plein de petites choses dont on voulait parler, Jean-Michel et Antoine. Alors on va essayer d'aller assez vite tout de même pour terminer, avec notamment du cinéma africain qu'on avait sélectionné, Jean-Michel. Pas mal de propositions cette semaine. Il y avait hier la première d'une série ou d'un cycle de projections de documentaires de création qui vont se dérouler du côté de la CAL, associé à l'amicale laïque du Credo Rock. Il y avait Mille Soleils, le film de Mati Diop qui était proposé hier. C'était la première rencontre de ce cycle ce 15 janvier, mais d'autres rendez-vous attendus cette fin de semaine. Alors on peut évoquer ce soir notamment avec Kinshasa qui sera à l'honneur pour un film qui aborde la question de l'art de rue à Kinshasa et qui démontre que l'art est aussi une urgence et que tout fonctionne ou beaucoup là-bas sous système D ou presque, ils appellent ça système K. C'est un film qui sera proposé ce soir avec un débat prévu avec les acteurs, on va dire, liés à l'art de rue ici même à Saint-Étienne. On peut citer la Laverie mais aussi la Baroufada, les Baronnes Perchées, les Cris du Quartier, le festival d'art de rue Complètement Gaga qui sont également associés à cette projection. C'est ce soir à partir de 20h ce 16 janvier donc au cinéma Méliès, donc place Jean Jaurès à Saint-Étienne. Et puis un autre rendez-vous cinéma africain attendu, c'est le retour de l'association Les Regards sur les cultures d'Afrique, qui organisait le festival bien sûr cinéma africain il y a quelques années ici à Saint-Thé, qu'on aimerait d'ailleurs voir reprendre du service pour cet événement, et qui mettait le cinéma africain à l'honneur. En tout cas là il propose une projection autour d'un film burkinabé, il me semble, c'est un film de Chloé Aïcha Boro, Le Loup d'or de Balolé. C'est un film qui sera projeté ce vendredi 17 janvier à 20h à l'amicale laïque de Tardy, qui est située 86 rue Vaillant Couturier, qui est une très belle illustration du capitalisme sauvage en Afrique. Donc, à voir donc vendredi. Capitalisme sauvage, on a évoqué la sortie du capitalisme ce début de semaine dans ce même programme ici avec une conférence archive de l'association Ocitodi qui propose son cycle de conférences de l'Hôtel de Ville. On avait évoqué en effet cette conférence de 2018, novembre 2018, pour évoquer celle de cette semaine, notamment c'est la première de ce début d'année et de ce mois de janvier pour Ocitodi, qui propose une proposition radicale, le revenu de base inconditionnel. Voilà aussi une belle proposition, une belle alternative possible ou non, en tout cas au cœur des débats aujourd'hui. C'est un livre qui est paru aux éditions La Découverte l'année dernière, un film de Philippe Van Paris, qui sera présent ce jeudi 16 janvier à 19h, salle Aristide-Briand de l'Hôtel de Ville de Saint-Étienne. C'est bien sûr une conférence là aussi libre et gratuite, accessible donc à tous. Et puis on va juste terminer avec cette dernière info qui concerne Lorraine Cœur d'Acier. Saint-Étienne va fêter du 24 avril au 8 mai prochain l'histoire de cette expérience assez inédite et unique, l'expérience Lorraine Cœur d'Acier, radio pirate et militante de la fin des années 70. À Longwy, on peut mettre tout à fait en lien ce qui s'est passé là-haut en Lorraine, Longwy et Saint-Étienne, sa sidérurgie, ses mines, Manu France ici, la métallurgie et j'en passe. L'histoire bien sûr sera évoqué au travers de cet événement du printemps prochain à Saint-Étienne, mais ce sera aussi surtout l'occasion de le mettre en lien avec l'actualité des luttes. Pas mal de propositions, beaucoup de collectifs, d'associations mobilisées ici à Saint-Étienne sur cet événement, on va dire fédérateur, proposé ou co-proposé par Radio Dio, La Laverie et l'association Avataria. Simplement vous dire qu'une nouvelle réunion publique, donc ouverte à tous et toutes, est proposée pour simplement soit en prendre connaissance, soit être présent et être force de proposition pour cet événement prochain. Cette réunion se tiendra mercredi 22 janvier. Ce sera à partir de 18h30 à la guinguette de la Vieille Mule, ce lieu qui est situé 84 rue Crozet-Boussingault à Saint-Étienne. Voilà, on va terminer là-dessus. Ou peut-être juste une dernière, c'est le réseau Trace qu'on évoque aussi beaucoup dans ce programme Grémos, autour de la mémoire et des traces, en tout cas de l'immigration ici en région Rhône-Alpes, mais bien au-delà, Auvergne et France. Et qui organise régulièrement aussi une biennale événementielle qui aura lieu d'ailleurs en cette année 2020. Ce sera à l'automne prochain. Des réunions vont avoir lieu un peu partout dans les grandes villes de la région pour proposer à nouveau un événement fort à l'automne prochain. Et simplement des rendez-vous qui ont été proposés dans le cadre de Trace, là aussi en ce début d'année, dont je voulais rappeler quelques points très rapidement. Parce que il y a un événement qui concerne ici même Saint-Étienne. Alors je vais tenter de le retrouver. Ça va se passer ce lundi. Il me semble que nous serons le 20 janvier. Je vais le retrouver. C'est à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Ce lundi 20 janvier à partir de 14h, bâtiment E, premier étage, salle E1-3. Donc c'est au 10 rue Tréfilerie, tracer les lieux à mémoire multiple en France et en Europe, avec Alain Batteguet, avec Marie-Thérèse Tétu, Geneviève Eramuspé, qui est ancienne directrice de la Maison d'Isieux, le mémorial des enfants juifs exterminés, et qui seront présents donc pour aborder cette question, cette séance qui va interroger les évolutions de deux lieux de mémoire, à la fois le Mémorial National de la Prison Montluc à Lyon et la Maison des enfants juifs exterminés. 10 yeux. Voilà, c'est lundi 20 janvier prochain, en début d'après-midi, à partir de 14h. Voilà pour cet agenda un peu fourni et conséquent pour boucler définitivement ce programme. Le Grémos, Jean-Michel et Antoine, on vous retrouve bien sûr pour ces rencontres d'histoire ouvrière donc semaine prochaine, 23 et 24 janvier. Mais pour la prochaine émission et donc sur ces ondes, ce sera le troisième jeudi du mois de février prochain. Merci, portez-vous au revoir. Bien. Bonne merci, fin à de bientôt. Journée. Salut.